Tout le monde est position, position, position, yeah! Force tranquille, garde du sonnet, attends là pour moi. DG c'est danger, DG c'est danger, laisse pas verser. DG c'est danger. Alors ils allaient danser, toujours. Si, écoutez mon ami, tout le monde est à parler, tu n'as pas voulu écouter. Même j'en ai qu'un cousin témoin. Yeah, ils ont dansé. Tu n'aimes pas passer l'aspirateur partout dans ta maison. Hey, accélération du mouvement, ils ont dansé. Hey, allez, fouka fouka, 1, 2, fouka fouka, tous les gars. Hey, fouka fouka, 1, 2, fouka fouka, tous les gars. Hey, on va prendre la position de tirer. Yeah. On va passer l'aspirateur partout dans la maison. Hey, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Hey, ils ont dansé. Ils ont dansé, on va baisser un peu. Mandou, c'est l'ambulance. Le Ganvier, c'est bon. Avec Arsène Kenom. Mais pourquoi tu n'aimes pas écouter les gens, mon frère? Mais pourquoi tu n'aimes pas écouter les gens, ma soeur? On t'a beaucoup parlé, il faut passer la pirate partout dans ta maison. Ça va faire zoom tout à l'heure. Ils ont dansé, ils ont dansé. Et on y va. Si Marie, mon amour, il m'y l'a fait danser. Sanou. Toi là, toi là, toi là, toi là, toi là, c'est pas l'homme. très très fort.